Témoignage de Monsieur Pierre Gaston, né en 1906, tourneur mécanicien d'Ombré. Ce témoignage a été recueilli au mois de mai 1980 par Messieurs Dechaine et Mikils. Vous avez une pauvre Charles à, au chantier naval. Ah, chantier, oui. Quand, cela? En 40. En 40. Juste pendant la guerre. Pendant la guerre. Pourquoi? Comme chef d'atelier. Ah. Et j'ai monté les bateaux, pour aller à l'Algérie. Mm-hmm. Blindé, hein? Donc vous avez venu travailler Charles, Auré Charles, au chantier naval. Ah oui. Vous avez historique mandé pour venir Charles. Ah oui. Donc en qui n'en est cela? En 40. En 40. Quand j'ai retiré nous dans les juillots. Et vous avez été ouvré comme quoi? Comme contremaître. Contremaître. Hein? Mm. Il avait des tours, hein? Et surtout Francotte, très fort tour, Fontrevet, très fort tour, hein? Et mes sujets d'atelier pour monter les bateaux blindés pour aller à Tunisie. Mm. J'en ai monté pour en main, hein? Et est-ce que c'est ce moment où il y a fait, cela? Oh non, non, non, non. On est dans le 4-5, hein? Et on Bayou, j'étais en train de travailler, on fait vraiment faire des bureaux. Et là, nous, on arrache, hein? Et j'ai vu un plan pour monter le bateau. Et jamais tout, sans réservoir. Et là, demain, je reviens pour travailler. Et je ne veux plus de plan. Je dois santé, hein? Alors, on bouge à quoi, hein? C'est ce que tu disais, les chefs de chantier, les chefs de directeur. Et on avait dû faire ce gendarme et bureau. Faire le train. Ça répète parce qu'il travaille dans la pète. Et j'y vais au bureau. Et un moment, il me demande où est-ce qu'il y avait tous les plans. J'ai dit, non, les tiens, mais il y a des Français sous mes là. Hein. Je ne sais pas, les tiens. J'étais sur le chaud, sur le réservoir, et je ne sais plus. Je vais la rester. Ça va pas arriver, mais. Il me met le plan et il me retire en petit cachet. Il est tout marqué dessus, secret d'État. Regardez-y bien maintenant, restez. Et comme ça, il a monté certainement 5-6 bateaux. Hein, non? Hein? En Bayou, on met en calère, le premier. Et là, il est arrivé en chose, en sergent. Et c'est accepté des jaunes, des 17-18 ans, des marins, hein, pour venir sur le bateau. Enfin, les MD, tu crois que j'ai un bateau, est-ce que oui? Oh, oui, Henri. Tu vas nous monter sur le bateau, avant un camarade qui victorie, hein? Et nous mettons le bateau d'escalade. On tient ça. Il y a quand même que tu voulais aider, donc, hein. Et le fichier, c'est en copette, là. On va vous parler, hein. Alors, les autres devant nous autres, hein. Et nous autres, nos deux, nos très moteurs, et nous mettons en bataille 10 cas à de l'aigle noir, à eux. En l'aigle noir, donc, il fait bon, nous étions sur le bataille, hein. Et sur le main, j'ai acheté les bâtards, j'ai acheté à l'aigle noir, ils buvaient. Et j'ai vu une caisse de bouc. Mais à vous, hein? Et carrément, on dit à l'officier dit que ça s'assure les marins qui avaient mis énormément dur. On a mis le glissant en plein. Il moussait mort des clus, tant que ça veut une amener. Mais oh, dans le fichier qui brille, en copeteau, une margaille sur le vieux marin. On quitte l'écluse, et quand on a quitté l'écluse, il moussait quand vers l'autre bout. Il est abîmé. Et là, il remet le cachot. Et alors, à ce moment-là, ils vont en aller, on met l'essence, les mazoutes et l'eau le bain. Et il dit dans les camarades ainsi, il dit, on tombe ainsi, on a pris de cette essence, des mazoutes là, hein, de la guerre. Qu'est-ce qui va être chaud? Il me retourne. C'est-tu le sergent? C'est-tu ce ton amoureux? Qu'est-ce que tu mobilises? Quand même. Et il y a les bénévoles, mais comme amoureux. J'ai dit ainsi, je veux tout travailler, mais que m'a dit? J'ai des bénévoles, on dit, mais tu en as mieux resté. Hein? Très bien, devant pour 2 cents de mazout. On s'y est devenu un autre de ce que je m'en rate. Et nous avons trouvé 2 cents de mazout. Est-ce qu'il est arrivé qu'on sabotive? Comment? Est-ce qu'on sabotive quelques feuilles? Ah ouais, c'est la guerre, on sabotive par la main en 40. Oui, fait ça. Ouais. Lui a pris les plans, il a pris les plans, et justement le curé, il marche, il a pris, il marche. Comme vous voyez, Arthur, hein? Qu'est-ce que le curé a eu? Et sur le lit. C'est petit chien en bois, ça. En bois. Donc sur le lit du curé, on a photographié le plan. C'est le même. J'avais, c'était un plan que je te marquais, hein, à crayon, hein, pour vous les rendre. J'avais facile, oui. Avec une gomme, tous les repères. On fait les plans, hein, et puis je mets les repères. On a eu trace sur un chic travaillé présentement. Ça fait que nous m'avons trouvé qui existe. Et qui m'est-ce qu'on sabotait aussi? Oh, mais ça, on a saboté. Ah, on était hein. On allait jusqu'à Amsin, à Croise-Mer, à le tunnel. On fait pousser les rails. Puis on retenait. Ouais. On revenait après Charles, hein. Et on fait ça, pousser un poteau. Des 4 poteaux de bois, là, hein. On fait des trous de vin, mettait des charges de vin, poum! Et là, on a couru te coster pour savoir que, parce qu'il avait eu nos ponts, hein. Et c'est tout petit, hein. Avec Corinne, dans notre. Coster. Nous avons fait pousser en chose. Il y a un poteau à moi, à deux gars, et puis on s'est fait pousser à Flom. Avec Luz. Hein. Et nous, après une saloupe, et nous revenons pour Charles, et on m'a fait pousser le car alors. Téléphonique à le pont, le petit pont. Et vous venez inquiété. On. Lisez, on. Alors. Lisez, c'est mes frères. On, c'est mes frères, lui, hein. Alors, quand on fait pousser ces choses-là, ces ponts-là, ces grappes-là, on voulait des gardes. Il fallait monter de garde en pont. Et on va juste monter de garde à vous, Philippe Miolet. Un des types de Mohamed, bien tranquille, dans notre dans ça, 1 h du matin. On montait des gaz, nous autres, des 1 h à 3 h du matin. Des types pour le Mohamed, assis sur un banc, on met un nez dans notre hôtel de pas, quoi, ce soir. Et voilà qu'arrive, en TSS, le petit sergent SS, on vous dit un nom. Il dit, maman, fiche, mais, hein. Directement, où le mail? Il me met, il y avait une canne, hein? Que vous faites ici, juste? Vous avez bien français, lui. Hein? Bah, j'ai dit, on monte de gaz. Et votre camarade? Il dit, ah, c'est le mail, il devient la ville. Il arrive à la semaine, et on monte de gaz pour le pont, pour le câble. Vous savez, juste? Hein? Vous pouvez tourner maintenant. Ben, est-ce que tu libères, là, comme là? Ici, c'est encore comme un vrai là, au chantier naval. On fait que des stations vapeur. C'est quoi, cela? C'est faire, pour faire de la vapeur. Ah, voilà. Pour faire de la vapeur, hein, pour le bâtir, qu'est-ce que tu sabbatiques? Comprends-tu? Ouais, il file de la vapeur, pour se voir devant le bâtir, pour demander. Thank you. Et puis alors, on a fait des bateaux citernes, des bateaux citernes. Hein, ou des grands réservoirs de vin. Et des petits chars en face de Morhomme, on avait eu onc, et on avait eu deux en mettant de l'herbe. Et j'irai à Turmé et les cycles voulaient faire pousser parce qu'ils étaient à Bagne. Hein, et il y avait deux hommes de costume de ville de la terre qui venaient, mais. Hein? Alors qu'ils poussaient l'herbe, et ils vont mettre une tchèque, deux eaux en bataille, et puis ils vont avoir deux autres, ils vont mettre deux tchèques en deux autres. Et il y a bien une des tchèques du verre, alors. Alors, j'ai rien sur Charles, elle me dit, vous bien, où bien ta fenêtre restée. Faisons aussi finir cela, hein. Et on fait tension à l'étien, et ça a sauté, en effet. On met tout à 5 heures après dîner, on met une autre, paf! C'est là, c'est frémis. Et puis après, paf, les deux autres. Et puis, en secours, hein. Mais l'air est tout sur mes basses, c'est qu'il mourit. Hein? On a pour le sauver. Ouais, on a pour le sauver les gens, c'est des flamands. Et on tout ça, enfin. Il a fallu refaire les bâtés. Ah, les bâtés, on a démolis, hein. On a démolis ces bâtés-là. Et surtout ce qu'on a fait, des vedettes. Des vedettes pour l'instant. Pour les vedettes que nous avons saillies, Charles. Hein? On a mis le carré pour le saillir. On a mis des perruques. Parce qu'on peut y voir mal dans le mousseau, mais là, hein. Dans les rues, c'est Voline, ah oui, à vous le voir. Ça y va mal d'état, vous faites tous ce bâtiment-là. On se met des fois de temps, hein, ouais. J'ai pas mal monté de voiture diesel. Moi aussi, j'étais un sentier. Ouais, bien. Moteur diesel, hein. Et vous montez les moteurs à vous, ou bien ce style de moteur qui arrivait vite au fait? Il me dit tout fait, et j'ai dû se monter parce que pas un très bâtard, c'est une arrière. Hein. Il y a juste mon camarade, deux camarades. Et tu avais le tagan pour apprendre. J'ai eu le tagan pour apprendre à monter le moteur diesel. Ça fait quand il arrive, j'ai dû se monter, le deux, on a choisi le deux, et puis on récif le perche en vin, et on a des parents pour être, et on a monté fort, hein, là. Restaurer comme le phare, hein, pour le mettre paix d'aplomb, et l'hélice pareil, et les tombeaux pareil, hein, et on le sait, alors. Et promis qu'il y a monté, c'est ce qu'on appelait, comment est-ce qu'on appelle, le gros là. Du coffre. C'était pas un homme, non. Donc, des chars de coffre. De roues, en gros. C'est un beau bâtiment. Ouais, un bel bâtiment, hein. Et il y a eu aussi l'origine. Ils sont morts tous les deux. Oui, ils sont morts tous les deux. L'origine de des petites bonnes là, à les changer. Et en bel jour, mais ils sont morts, c'est tout grève. Le premier mai. Ouais. Et ils sont en train de monter avec des bâtons, hein, avec mes chiffres. Alors qu'il y a les bourgmestres d'ombre avec toute une volée de gréviers. Que fait le garçon? Ben, je monte le moteur du coffre, hein. Allons, Steve, on t'arrête. Ben, du coffre, qu'est-ce que tu as sorti et ramasse. Une chose, enfin, on pue sur le bâtiment du fier. Hein. Et ça va, tu ne vas pas être en cause, tu vas voir. Hein. Tu vas être en cause, tu vas voir. Hein. Le courant, il va être en cause. C'est un berge, hein. Il fallait ouais. Se faire pendant de la guerre, ça n'a rien à voir. Comment tu vas le bâtiment par mieux? Oh, au il fallait certainement qu'un jour pour monter au bateau. Hein? Non, monter si. Si. Et j'ai commencé alors, après, des moteurs diesel, bras en main, quoi. Hein? Et j'ai réparé, quand on a eu une sacrée dans les fenêtres, en moteur diesel, j'ai réparé les ateliers. Des ateliers. Est-ce qu'il n'avait que comme style? Il avait des tourneux, ah ouais, ajustés, ah ouais, et coquets. Ben, il avait frontalé, qu'est-ce que tu tournes? Francotte, qu'est-ce que tu tournes? Mais aussi, qu'est-ce que tu tournes? Comme ajusté, il avait. Et qui vient encore lui? René. Et puis t'es la côte là. Bonjour. Non. Limet? Non. Hein? Le Scrigny. Ah ouais, le Scrigny, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Des Fordus. Le Fordus, ouais. Et des Riftus. Des Riftus, ah ouais. Il a mené un vide tonneau là, tu vas l'année. Parmentier. Joseph Parmentier. Non. Et c'est de ce qu'il mourit en chose, à Streil, les deux frères qui firent ça. Et alors, pour monter devant le bateau, mais c'est après ça, hein, monter devant le bateau, il a vu nous mailles, que moi, on a eu trop quoi, tellement, hein. Le petit carnage. Le petit carnage, hein. Comme c'est Crigny, il avait mes bains frits, qui carrient les plaisettes. Il avait une appli. C'est comment? C'est Fernand Foix, Fernand comment? Son nom. Enfin, son surnom, c'est Kourouzou. Qu'est-ce que c'est Crigny aussi? J'avais Florent, j'étais magasiné ici au cousin. Et Charles, le cousin Charles qui m'aurait accosté, qui m'aurait, et ce magasin, c'est lui qui arrive tout le monde. Et alors, mais il est arrivé en Suzaille, très en Suzaille. Et j'avais monté à Suzaille, et monté à Suzaille pour qu'elle l'âge vraiment bien. Et très vite, on était dans le vin, et alors. Il y avait des contrôles. Oh, ouais, des contrôles, hein. On avait les choses, les cycles, les tôles, hein, et venir, carton, comme cela, hein. Mais j'ai eu bien monté le cisaille, ça fait. Le cisaille. Qui me dit des mots d'ombre. Je vais monter le cisaille, parce que. Ça coupe juste. Les cycles, les tôles, il va partir, et il dit allez, comment faire, carton. Ça enlève tout ça. C'était un moyen pour ne pas s'inquiéter, on voyait pour aller en Allemagne. Ah ouais? Ouais. Ouais. J'ai vu que le travail ici en Belgique, sans travailler pour eux. Quand je suis arrivé devant ça, j'ai vu prester le son en bain frais, comme moi, pour monter un atelier Charles. Hein? J'avais un tour, j'avais une fraiseuse, hein? Une foreuse, hein? Une souille, hein, Et j'ai, avant ça, j'ai fait les barrières, qu'est-ce que tu regardes dans le mur? Avant le ferme. C'est un des points dans les champs, je n'oublie pas. Ouais, avant le ferme, hein. Vraiment, j'ai fait le barrière, Charles, j'ai fait le barrière, Charles, mais il n'a même pas de couleur épris. Et là, c'était les petits gamins, Oh! Il a fait des marques qui mettent dans la main. Vous avez ouvert Charles jusqu'à quelle année? Oh, jusqu'à la fin de l'année, hein? Jusqu'à la fin de l'année. Parce que les Allemands ne voulaient pas qu'on fasse ça pour eux, primaire. À ce moment-là, ils peuvent voir d'ouvrir un chantier, hein? Et mais, j'enlève le travail, pour une maille. Mais c'est même que Richard. Il a tout puni. Il a travaillé tout dit, mais. Et Lisa, hein, qui est directeur, et Mnif, parce qu'il ne travaille pas. Oh, parfumé, parfumé. Hein. Oh, hein. Il y a tout bien arrivé, hein. Vous êtes Nicolas à Libération. Ah ouais, hein. Qu'a-t-on fait, Charles Chantier, à Libération? Il reste à vous, les ouvriers, on a tout roi. Non, on laissait tout en plan. On laisse tout en plan, hein, ouais. On a tout roi à Montlysin, j'ai lu. On a payé Montlysin, hein. Ouais. Il mourir. Au seul home, là. Ils ont des écoles, maintenant, que vous voyez ici. Il ne faut pas voir, là. Vous venez, ben. Ça, voilà, blanc, là. Blanc. Il mourir, ça veut dire. Mais devant, il mourir, là, où c'est mon tiré, Arthur. Ça va? Ah ouais. Les robots, ouais. C'est juste. T'as fait juste. Tu l'as senti de tomber au cul. Non. Arme, tu me montres les chiens que tu es segmenté à un moment. Vous avez bombardé. Oh ouais. On n'aurait plus. Ah non, on n'aurait plus. On se cachif. Non, on regarde le corps. Fallait bien que tu te caches, tu mettais au four, tu t'es. Ouais, il était en forme, bien que tu te costais. J'ai mon camarade qui est coqre des motards, hein. On a une copette sur le pré pour le cacher. Hein. Donc, j'ai tout caché à mon membre, hein, de mon petit trou. Et en chantier naval, vous avez ouvré, il fallait une carte de pointage, non? Non. En poisson, on pointif, hein, attention. C'est une carte allemande? Non, belge. Hein, on pointif. C'est du Florent. Qui préfère à qui le concentrer et qui le consortir. Avec mon tableau, la lettre et le hall. Non, pointif, on arrive. C'est un pointif, mais en machine, attention, hein. C'est tout le monde qui écrit dessus, c'est tout. L'heure qui nous est entrée et l'heure qui nous est sortie. On a inquiété les ouvriers des chantiers navals. Non. Mais pour eux, s'il y avait les collaborateurs, etc. Oh, si, hein. Il y avait appelé Vézère, hein. Il fait pousser les choses, là. Les machines, là. Hein. Pourquoi? Hein. C'est résistant, hein. Ah oui, mais que monsieur veut des collaborateurs avec les chantiers navals. Vous avez l'année d'exister. De les ouvriers qui ont se tué. Non, mais il y avait une chose, les bourguemers qui se tuent. Oui, il y avait des bourguemers qui sous directeur, mais c'était vraiment lui qui a pris toute la responsabilité. Hein, et il n'a pas été inquiété, c'est Lisa qui a payé pour lui. Les bourguemers d'André, est-ce que Rexis est sous-directeur des chantiers. Et puis après, sous-directeur des chantiers de la Mèche. Ouais.